Les grandes enjambées, c'est une initiative citoyenne. C'est là maintenant dans ce micro ouvert, on écoute les initiateurs. Je rajoute que les grandes enjambées, c'est un enregistrement qui a été fait à la rentrée, quoi, septembre, octobre. Les grandes enjambées, en plus, sont très patients. J'avais envie de rajouter ça aussi, c'est que depuis, il y a des marches dans la rue, en ville, tous les dimanches, et que on sent un peu le temps qui est passé, vous voyez, et ça va vite, ça file, quoi. Hein, et il y a des mouvements qui prennent la rue. Et évidemment, dans ce micro ouvert, on n'en parle pas du tout, voilà. Et je voulais juste que les gens comprennent, voilà, un peu cette déconnexion avec le réel et l'actu, en fait. Hein, pourquoi le micro ouvert des grandes enjambées passe seulement maintenant? C'est parce qu'il y a tellement d'histoires avec ce Covid, ce vaccin, ce pass sanitaire. Enfin, on peut pas y échapper, quoi. Voilà, on peut pas y échapper. Ça touche les gens, quoi. Et les gens ont des choses à dire et les gens sont dans la rue aussi, quoi. Donc voilà. Petite parenthèse, et avant d'écouter les grandes enjambées, on écoute Chloé Gerbier. Pour changer les choses aujourd'hui, il est temps de réinvestir le droit de l'environnement, de l'utiliser et de le rendre militant. Parce qu'on l'a bien vu avec la loi climat, c'est très compliqué d'aller sur le terrain des politiques publiques et des lois votées. Et du coup, le juridique est une de ses armes au local pour aller en fait travailler, attaquer chaque petit symptôme des politiques publiques à l'échelle la plus locale. Concrètement, le droit, c'est des tonnes de mots qui empêchent et qui permettent des actions. Or, aujourd'hui, on voit bien, en droit de l'environnement, c'est plus un droit à polluer qu'une réelle protection. Le but, c'est de faire bouger les lignes, de faire qu'on ne considère plus comme un intérêt public le fait de construire un centre commercial ou d'agrandir une route ou un aéroport, mais réellement qu'on voit la protection de l'environnement comme cet intérêt public et comme un énorme pilier dans cette balance d'intérêts. Après, on a aussi l'idée qu'il faut réinvestir l'outil. En fait, le droit, aujourd'hui, c'est l'arme des politiques publiques, c'est l'arme des promoteurs, c'est l'arme des préfets, mais c'est plus notre arme. Alors, les militants et les militantes vont réinventer le droit. Par exemple, au Lantière, ils ont créé une zone d'écologie communale chez eux, afin qu'on puisse protéger leur environnement. Mais on a aussi, évidemment, le fait de réinvestir plus profondément et de créer des imaginaires par le droit. Et c'est là qu'on crée des droits comme les droits des communs. Donc l'idée, c'est de protéger des ressources qui nous sont à toutes et à tous essentielles afin de pouvoir protéger les générations futures. Et donc on voit par exemple en Corse, le fleuve Tavignanou, on a proposé une charte pour que ce fleuve soit protégé et ait des droits et qu'on ne puisse pas le détruire afin de construire des projets imposés et polluants. Aujourd'hui, les droits de la nature, en France, ça reste encore des chartes, c'est des droits qui sont peu contraignants. Néanmoins, on voit que partout dans le monde, ça commence à émerger. Il y a des fleuves qui sont protégés, il y a des montagnes qui sont protégées. Et avec des gardiens, des personnes qui se portent garants et garantes de ces droits, on arrive du coup à faire que ces communs naturels, soient préservés pour les générations futures notamment. Au sein des collectifs locaux, on voit très rapidement, en tout cas avec Terre de Lutte, on a fait une étude qui montre ça, que 81% des collectifs en lutte sur le territoire aujourd'hui considèrent que le juridique est essentiel. En effet, en fait, quand on fait un recours, on remet réellement en cause. On prend les armes des promoteurs, on prend les armes des préfets, et on montre qu'on sait les utiliser, et on remet en cause en fait, les fondements même d'un projet imposé et polluant sur le terrain. Donc il faut essayer au maximum d'aller chercher en fait, ces nouvelles interprétations du juge, de transformer le droit de l'environnement. Avec l'affaire du sexe, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. On a essayé en fait de remettre en cause la jurisprudence actuelle. On a utilisé les armes qu'on avait, c'est-à-dire un petit peu de droit et en fait assez peu. Quand on voit les accords de Paris et la manière dont ils sont piétinés, on voit bien qu'on a pris ce qu'on avait pour essayer de réinterroger et d'aller en fait condamner l'État pour inaction. Et on voit qu'au début, on a été, en tout cas par des avocats et certains juristes, traités de fous. On nous disait qu'on allait complètement hors des sentiers battus. Et pourtant, on voit bien que là, l'État a été condamné. On y arrive en fait. La société change et grâce à la pression aussi que tous ces signataires ont mis sur le gouvernement, les politiques publiques, on voit aussi que la jurisprudence doit s'aligner au bout d'un moment avec les demandes de la société. C'est micro, parti, ça marche. La ouvert. Machine est mise en route et on se retrouve devant le comment ça s'appelle, le musée de l'homme en fait. Hein. Ouais, le musée d'histoire naturelle. Voilà. C'est XL, hein, ça ? Oui. Et donc, moi, j'avais envie de commencer comme ça. J'aurais pu l'écrire, et puis je me dis, bon, voilà, avec les outils technologiques à la noix, c'est des fois plus facile, mais moi, je ne cherche pas la facilité, hein. Vraiment, hein, s'il faut réécrire, je réécris. Mais bon, ça s'appelle « Les grandes enjambées » et ça dit ceci. « Une belle aventure commence, où vont se croiser nos chemins, nos idées, où vont se rencontrer des mondes, se tisser des liens. De la petite équipe d'aujourd'hui, ici presque représentée, mais il manque une personne, déjà rejointe par plusieurs associations partenaires. Vous voulez que je les cite ? Pas forcément. Nous espérons inspirer d'innombrables initiatives de reliance, de concrétisation, de rêves, de nouveaux récits de vie sur Terre. Bienvenue à vous. Julie, Marie, Thibault et Sophie. » Donc moi, je lis ça. Ça s'appelle « Les grandes enjambées ». Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi ? Voilà. Ici, c'est génial, je donne un coup de téléphone. Enfin, c'est pas par ce biais-là qu'on s'est d'abord parlé, mais on s'en fout. Julie entend que j'aimerais bien les rencontrer, voilà, elle organise la chose. Il y a juste Sophie qui n'est pas là. Il y a Thibaut, Julie et Marie, voilà. Comment on commencerait pour vous présenter les grandes enjambées ? Comment vous avez envie de... D'abord, c'est quoi ce nom, les grandes enjambées ? Ça veut dire quoi ? C'est des pattes géants, ça, les grandes enjambées. Ah, on aimerait bien des pattes géants, en tout cas. Les grandes enjambées, c'est arrivé à la fin du confinement, enfin non, à la fin de la première année Covid, on va dire, fin 2020. Après avoir passé plein de temps à lire des trucs, à discuter, à refaire le monde, à se dire qu'il était grand temps qu'on le refasse, qu'on se demandait. Donc c'est en période de confinement, quoi, là. On a le temps de lire, c'est ça ? Oui, oui, oui. Donc pendant le confinement, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Plutôt dans le milieu, là je parle du milieu culturel, parce qu'on vient plutôt du milieu culturel, en tout cas une grosse partie de nous. Et on a contribué en fait à écrire des suggestions de relance post-Covid dans le cadre du plan Sophia. Alors le plan Sophia, c'est Thibaut qui peut plus en parler que moi, parce qu'il est encore plus impliqué là-dedans que nous. Mais donc on a contribué à ça, et après avoir écrit beaucoup, on s'est dit, parce qu'on parlait des grandes enjambées, pourquoi ce mot ? On s'est dit, en fait, on a envie que ça se passe. Pas seulement de l'écrire, parce que c'était très bien de l'écrire, mais que en fait ça manquait d'action, ça manquait de vraiment de faire des choses. Et comme on a beaucoup marché pendant ce confinement, puisque c'était une des seules choses qu'on pouvait faire, en fait ça tombait presque sous le sens de se dire qu'on allait le faire en marchant. En plus de ça, et après du coup je vais pouvoir repasser la parole à Thibaut pour le plan Sophia et Marie pour le grand tour. Marie, elle a contribué à, enfin non, elle a porté, elle a emmené avec elle toute une série de marches, donc 12 jours, entre Marchin, Mons et Chassepierre, avec chaque fois une question autour de la culture, pendant l'été 2020, c'est ça, hein, voilà. Et donc, ces idées-là croisées, toutes ces choses-là croisées, ont donné naissance à nos grandes enjambées et notre envie d'aller un peu plus vers l'avant et un peu plus ensemble. Voilà. Quoi, vous êtes des potes à la base ? Non. Mais comment vous avez... comment on ne vous... se connaissait pas. On se connaissait pas, en fait. Mais comment vous avez fait, du coup, alors ? Bah donc, dans le cadre de l'écriture de ce plan Sophia, enfin d'une partie de ce plan Sophia, on s'est rencontrés avec Thibaut, Sophie et puis Marie, parce que en écrivant toutes ces notes et toutes ces propositions, comment est-ce qu'on va dire ? De grandes enjambées. Donc, c'était même le projet... De se lancer dans la marche que Julie, quelque part, Julie et Sophie ont cité le projet Grand Tour comme étant un peu illustratif ou emblématique de ce qu'on voulait faire, puisque c'était une initiative qui s'était faite autour des annulations de festivals Chassepierre et un festival à Mons aussi, et de ne pas se laisser aller à ne rien faire et d'en profiter pour marcher et de réfléchir. Et on s'est dit se laisser aller à ne rien faire, j'adore ça, hein. C'est difficile. Hein. Mais, ce qu'il y a dit, à partir du moment où on annule des choses, effectivement, il y a un peu cette notion de dire, on attend, on est dans l'expectative. Et je crois qu'il y a une série de gens dont les contributeurs des grandes enjambées qui se disent, ce confinement, ce moment de pause, c'est aussi un moment pour... inventer la suite et passer à autre chose. Donc voilà. C'est ça. Moi, j'essaie de bien capter. Alors, des fois, je capte pas toujours facilement. Mais donc, toi, Julie, t'es partie rencontré le plan Sophia. Le plan Sophia, mais voilà. Et par ce billet-là, tu rencontres d'autres personnes, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, le plan Sophia, c'est toi, Thibaut ? Non. C'est moi, non, non. Qu'est-ce que c'est que ce plan, voilà. Sophia ? Donc, le plan Sophia, c'est aussi quelque chose qui est né durant le confinement et qui est en fait aussi un projet collectif. Qui tournait autour de la pause qu'on connaissait durant le confinement et surtout la nécessité de repenser une société différente d'après Covid, de quelque part profiter de cette pause forcée pour s'engager de manière déterminée dans une autre forme de société. Et donc c'est une initiative qui a réuni, je pense, une bonne centaine de personnes, aussi bien des académiques, des intellectuels, mais aussi... Des entrepreneurs, des businessmen. Mais qui a lancé ce plan Sophia, du coup, alors c'est un projet collectif. Sur le net, on trouvait ça, alors ? Non, il y a plusieurs personnes, donc Marc Lemaire, Roland Moreau, Frédéric Chaumet, moi-même. Voilà, on a initié cette réflexion, mais très vite, ça a été rejoint de plein de collectifs dans des thématiques, puisqu'en fait, il y a une quinzaine de thématiques qui sont couvertes. Alimentation durable, fiscalité, soins de santé... transition énergétique, et c'est vrai qu'il manquait un peu la thématique culturelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré effectivement Julie et Sophie, qui se sont proposées d'écrire finalement un chapitre sur la culture post-Covid, qu'est-ce que ça peut devenir, en quoi est-ce qu'on peut aussi là faire bouger les lignes. Et ça donne quoi ? En quelques mots, hein, après... Mais en gros, c'est ce qu'on connaît pour les autres thématiques aussi, c'est de se dire, on est un peu dans une course à l'ampleur, au volume, au nombre d'activités, au nombre de spectateurs, etc. Donc, une relance durable, c'est aussi peut-être revenir à quelque chose de plus intime, de plus local, sans être dans l'exclusion des autres et des échanges, bien évidemment, mais c'est aussi de se dire, voilà, les festivals ne doivent pas être toujours des festivals qui réunissent des dizaines de milliers de personnes ou cette espèce de... comment dire, d'inflation du nombre de projets, puisque les subsides sont liés aux projets, donc il faut faire des projets, qui sont eux-mêmes concurrents entre eux, et donc où finalement on est dans le stress, dans la concurrence, et pas dans la construction de quelque chose de plus durable. Donc ça, je pense que c'était une des conclusions, mais il y en a eu d'autres, donc je te laisse peut-être commenter, Julie. Ça me semble déjà loin, en fait, ce plan Sophia. Oui, il y avait toute une réflexion, effectivement, au niveau du statut d'artiste. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis « ça semble déjà loin » ? Mais quoi, comme si c'était passager, c'est passé dans... Il n'y a plus de réflexion, elle est partie déjà ? L'objectif de cette réunion au départ, c'était de pouvoir déposer une série de mesures concrètes sur le bureau de Sophie Wilmès, qui était à l'époque première ministre. Enfin, ça je comprends mieux du coup. Alors, est-ce que le plan Sophie, d'accord, c'est ça que ça veut dire ? Moi, j'avais pas... La sagesse, quoi. Sophia en grec, ça veut dire la sagesse. Et donc, l'objectif au départ était celui-là. Donc, un premier plan a été déposé. Et puis finalement, on a effectivement contribué à ce volet culture où il y avait aussi d'autres dimensions, l'idée d'occuper l'espace aussi au niveau culturel, peut-être l'espace qui est d'habitude dédié à l'espace commercial, mais aussi de renforcer l'éducation artistique et culturelle au sein des écoles. Donc il y avait plusieurs volets. Et c'est vrai que c'est d'abord là qu'on s'est rencontrés, en fait, pour contribuer à cette... Julie et Sophie ont fait appel à toute une série de partenaires culturels pour contribuer, en fait, à la rédaction de ces différentes mesures sur le plan culturel. On est d'accord que Sophie dont vous parlez, c'est pas Sophie Wilmès, hein, parce que là on commence à confondre. Hein. C'est pas la même. Enfin, non. Pas du tout. Et alors, du coup, c'est effectivement là qu'on s'est rencontrés une première fois. Je connaissais déjà Sophie, par ailleurs. Pas Sophie Wilmès, Sophie Verhoestraten, qui est... Ici présente. Non, qui n'est pas là. Ici non présente, mais présente de cœur. Voilà. Et donc effectivement, on venait de créer ce projet Grand Tour, on venait de vivre en fait ce projet Grand Tour qui était une marche philosophique sur la place de la culture dans la société, donc qui était portée par Mansart de la Seine, le Festival de Chassepierre et Latitude 50, et animée, arpentée par moi entre autres et avec d'autres partenaires. Tu peux un peu expliquer, donc c'est des marches. Ouais. Donc c'était une marche de 12 jours qui partait de Chassepierre pour rejoindre Marchin et puis de Marchin à Mons, donc plus ou moins 250 km. Et chaque jour, on développait une thématique en lien avec le rapport de la culture avec une thématique de société. Donc culture et économie, culture et justice sociale, culture et crise écologique, culture et enseignement. Enfin, donc chaque jour une thématique. 250 km par jour ? Non. Pas par jour en tout, quoi. On était à une vingtaine de kilomètres par jour. Donc c'était quand même costaud, mais c'était passionnant. Et donc chaque jour, des personnes XYZ, lambda, pouvaient s'inscrire à la marche. Et donc on a eu un public très très mixte, non seulement des professionnels de la culture, mais vraiment pas que, des passants, des marcheurs et des marcheuses, des vrais marcheurs et des marcheuses qui ne savaient pas du tout même qu'il y avait une thématique à débattre. Et on a pu monter une réflexion citoyenne en intelligence collective, philosophique et en intelligence collective avec ces différentes personnes pour au final aboutir à Mons avec les poches pleines de contrastes, pleines de paradoxes, pleines de questionnements encore et un petit peu de réponses aussi menées par ce groupe de finalement plus ou moins 200 personnes qui ont marché petit à petit avec nous pour aboutir à cette réflexion. On en a publié un carnet d'ailleurs qui est sorti il y a quelques semaines. Ça représente un groupe de 200 personnes qui marchent alors, c'est ça ? C'était l'inscription à la journée, donc on avait sur 12 jours, on avait une vingtaine de personnes par jour. Voilà, donc en tout, ça fait un peu plus de 200, un peu moins, parce qu'il y en a qui nous ont suivis quand même. Au total, quoi. Mais par jour, c'était 20 par jour, ce qui est plutôt agréable quand il s'agit de donner la parole, d'écouter, de réfléchir. C'est plutôt sympa, 20, non ? C'est juste bien. 20, 30, 40, maximum. Ok, donc on comprend déjà un peu mieux. J'ai encore, peut-être vous l'avez dit, hein, mais la question c'est, donc c'est une initiative, ils vont me taper parce qu'on l'a déjà dit trois fois, donc c'est une initiative personnelle qui rejoint une demande de la ministre ou qui propose ça ou rien à voir, c'est vous qui proposez ça à la ministre. Au départ, la toute première grande enjambée, l'idée en fait avec ce plan SOFIA, donc c'est toutes ces mesures et ces différents domaines auxquels avaient contribué une centaine de personnes, c'était de se dire bah, c'est con en fait, ces personnes-là, elles sont toutes de milieux différents, de domaines d'expertise différents. Elles ont contribué à leur partie du plan SOFIA, mais confinement oblige, etc. Il y a eu très peu d'échanges entre les groupes de travail en fait, qui ont contribué à ce plan SOFIA. Donc la toute première marche, on s'était dit, nous, ce serait génial d'organiser une marche pour les contributeurs du plan SOFIA, pour les faire se rencontrer et pour se dire, OK, maintenant, on a mis ça sur le papier, on l'a remis sur le bureau de Sophie Wilmès, merci beaucoup. Bon, Sophie Wilmès, elle n'est déjà plus là. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Mais donc, c'est une initiative perso de gens comme vous ici présents. Quoi. C'est fabuleux, ça, je trouve. Et donc voilà, l'idée c'était de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment est-ce qu'on concrétise toutes ces mesures si, bon, au-dessus le temps que ça percole, voilà, nous on voudrait bien faire atterrir ça, percoler sur le terrain avec des citoyens, est-ce qu'on ne mettrait pas ça en chantier, en mouvement ? Et puis petit à petit, l'organisation a fait qu'on s'est dit que ce serait bien de le proposer de manière publique plutôt que spécifiquement au public des contributeurs. Et donc la première grande enjambée publique est née comme ça le 19 juin dernier. Et je crois que ce qui est vraiment justement particulier et le point de départ, c'est que la marche, c'est quelque chose de très simple, en fait, finalement. On met un pied devant l'autre, on est tous égaux devant le chemin, entre guillemets. C'est vrai qu'on est tous parmi les fondateurs, je dirais, de l'initiative des marcheurs randonneurs, mais au-delà de ça, on pense que n'importe qui peut passer une journée à marcher. Et donc, c'est être ensemble, c'est discuter d'une thématique ou l'autre, mais sans avoir finalement son étiquette ou son titre, ou sa carte de visite, puisque on est tous là, au milieu de la nature, à marcher. On part d'une gare, on arrive à une gare, on s'arrête sur un site ou l'autre pour découvrir une initiative citoyenne qui nous semble... Quoi, par exemple ? Là, le 19 juin, on était à l'arbre qui pousse, à Otigny, qui est donc en fait une ferme qui a été rachetée par un collectif de citoyens, qui ont réaménagé le lieu, qui l'ont redédié à une agriculture durable, petite échelle. Donc c'est vraiment un projet autour duquel gravitent toute une série d'acteurs. Et donc c'était intéressant de rencontrer ces personnes qui nous ont expliqué leur projet, leur succès, mais aussi leurs difficultés. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif de ces journées de marche méditative. c'est pas que méditative, hein. Ça a l'air d'être aussi un endroit où on réfléchit, où on doit se marrer aussi, non ? La méditation, tu sais, moi j'ai une image de... Oh, c'est pas toujours très marrant la méditation, hein. Ah non, non, du tout, non. Donc, quand je dis méditatif, c'est plutôt réflexif, où on peut effectivement... on a eu plusieurs ateliers animés par Marie et Julie, entrecoupés aussi de petites pauses artistiques, des acteurs, des musiciens qui viennent un peu animer la journée. Voilà, pour avoir une petite journée complète avec à la fois de la stimulation intellectuelle, à la fois une marche en commun, sans savoir qui est qui, avec... moi, un artiste, un directeur général d'une entreprise, un professeur, et sans savoir à la limite qui est qui, mais plutôt de réfléchir sur l'avenir de notre monde et de notre société, sans étiquette, et voilà. Oui, je dirais, en fait, c'est essayer aussi de refaire ressortir qu'est-ce qu'on a en commun. Tu vois, dans le plan Sophia, on a adoré, en fait, pouvoir contribuer à ça, de sentir la vivacité des réflexions dans tous les secteurs et en fait de se rendre compte qu'il y a des tas de choses qui vont dans le même sens, des tas de choses qui se recoupent, mais les secteurs n'ont pas forcément le temps d'aller voir ce qui se passe à côté et du coup en fait on se dit mais c'est nul, pourquoi est-ce qu'on va pas juste par curiosité prendre le temps d'écouter ce qui se passe en agriculture alors qu'en fait dans l'enseignement on pourrait s'inspirer de l'agriculture pour des tas de trucs. Alors là explique-moi. Bah alors, par exemple, en agriculture, il y a des tas de choses qui sont fondées sur les coopératives agricoles. C'est vieux, c'est super vieux, les coopératives agricoles. C'est d'ailleurs dans les plus anciennes. Mais en fait, dans l'enseignement, pourquoi est-ce qu'on ne fonctionne pas avec des choses qui s'inspirent de ces communautés-là ? Alors, la coopérative et l'enseignement, je ne suis pas sûre que ça existe quelque part. Ceci dit, ce serait super intéressant de la faire. À quoi tu veux dire qu'on devrait plus fonctionner à l'horizontale ? C'est ça aussi que j'entends, moi. Oui, oui, clairement. Donc, ce côté intelligence collective, Marie et moi, on essaye de... Enfin, on y veille, en fait. Quand on construit une journée de grande enjambée, on cherche plein d'outils qu'on va pouvoir utiliser et des stimuli qu'on va faire au fur et à mesure de la journée pour que les gens soient en connexion les uns avec les autres, et une question sur laquelle débattre, et un moment de silence, et justement une résonance artistique qui vient, en fait... donner de l'air et puis parfois en fait faire des liens qu'on n'imaginerait pas faire, avoir ces rencontres avec les lieux par lesquels on passe, voilà, on essaie vraiment avec des tas de petites choses qui n'ont l'air de rien mais qui en fait cumulées donnent quelque chose de complètement différent de ce qu'on pourrait avoir d'habitude comme rapport entre les gens. Ah oui, vraiment ? Bah alors non, je dis ça, c'est très prétentieux, c'est comme si on avait inventé l'eau chaude, c'est pas ça que je veux dire. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de gens qui cherchent des choses comme ça pour l'instant, mais comme tu le dis bien, on travaille à l'horizontalité, on nourrit de toutes les manières qu'on peut l'horizontalité, comme des tas d'autres gens qui la nourrissent, mais ce que je veux dire, c'est que dans la société, dans les institutions de la société, je parlais de l'enseignement, par exemple, ce n'est absolument pas ce modèle-là qui est prédominant. Et donc, c'est en ça que je dis que parfois, les gens sont surpris parce que c'est presque la même chose. Mais finalement, ça change tout dans leur manière de pouvoir être avec leurs voisins et de se rendre compte que, oui, en fait, être égal à égal, ça ne veut pas dire qu'on a exactement la même chose à proposer, mais ça veut juste dire qu'on a tous la place d'être là avec ce qu'on a, quoi. Voilà. Tu travailles dans l'enseignement ? Oui. Toi ? Non. Quoi ? Si tu le dis pas, hein, si t'as pas envie. Je fais de l'accompagnement de projets citoyens et puis de la facilitation en intelligence collective. Ah ! Et toi ? Moi, je suis plutôt dans le business. voilà. J'adore parce que juste avant, tu parlais de marcher avec un entrepreneur. Tu vois, c'est super drôle comment. Après coup, on se dit, voilà, toi, tu défends, tu parles de l'enseignement, oui. Mais justement, on n'est pas dans la notion de défendre, on n'est pas même dans la notion de représentation. Enfin, mais c'est malgré soi. Tu vois, le fait de parler comme ça, on ne vous est pas présenté, en fait. Hein, on a parlé... voilà. C'est pas important, c'est pas important. Je veux dire, justement, puisque dans notre projet, c'est pas ce qui compte, c'est pas ce qu'on peut faire par ailleurs. C'est pas ce que je dis. Ce qui est rigolo, c'est pas... Oui, évidemment que ça, c'est pas important, mais moi j'avais envie, parce que tout comme toi, tu parles pas mal de l'enseignement, on a envie de savoir, tiens, mais t'es dans l'enseignement, oui. Et quand tu parlais d'un exemple avec les marcheurs, on peut marcher à côté d'un entrepreneur. Mmh. Et tu vois, c'est rigolo. Mais avant confinement, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Avant confinement, vous étiez déjà, j'imagine, interpellé par le monde dans lequel on était. Le confinement arrive et là, c'est la goutte qui fait déborder, quoi, le vase. Ça se passe comme ça ? Moi, j'ai envie de dire que le confinement, c'est plutôt, de nouveau, c'est une pause. Et je crois que c'était une des thématiques dont on a débattu avec, durant la première grande enjambée de juin. C'était justement qu'est-ce qu'on a apprécié dans cette période ? Parce qu'effectivement, il y a eu de l'inquiétude, le stress, l'angoisse potentielle, mais aussi une série de choses positives. Retrouver le silence, retrouver une ville calme, retrouver finalement un peu de temps, de refaire des choses chez soi, etc. Et donc, il y a eu des choses positives liées à cette situation. Ouais. C'est difficile, mais il faut l'entendre aussi. C'est parce que durant cette période de confinement, il y a tellement des gens qui ont vécu des trucs trash. Tu vois, c'est difficile des fois de mettre ça sur la table. Moi, ce que je voulais simplement... C'est que vous étiez déjà, j'imagine, conscient du monde dans lequel on était, qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait bouger, mais vous disons que le confinement a aidé à en avoir ras-le-bol et de se dire, allez, on se met en action. C'est ça qui se passe ? Mais en fait, effectivement, je pense qu'on était déjà tous engagés et tous conscients de la nécessité d'entrer en transition ou plus... de faire entrer cette société en transition. Pour moi, le confinement a été comme... un révélateur surtout, parce que ça a accentué, ça a mis le spot en fait sur des problèmes qui étaient déjà là, mais qui étaient noyés peut-être dans la masse. Ça a exacerbé les inégalités sociales. Il y a eu plein de... T'as eu peur. J'ai eu peur, je me suis pris une feuille dans la figure. Ça va, t'es rassurée ? Je dis inégalité sociale et puis les arbres me parlent, je ne sais pas. Donc effectivement, en fait, la période du confinement, le fait que pour certains d'entre nous, on a pu freiner un peu le rythme de travail, en tout cas, prendre le temps peut-être de lire la pile de bouquins qu'on a sur notre étagère et qu'on s'est dit toujours « ah, ce serait bien que je lise ça », etc. Ça nous a rendu plus conscients, ça a vraiment... éveillé en nous la nécessité de faire quelque chose, quoi. Maintenant, c'est le moment où il faut faire quelque chose. En plus, tout s'arrête. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées dans la transition qui se sont dit « Ah, il se passe quelque chose. Enfin, la machine s'arrête. On va pouvoir... Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, mais quoi on ne sait pas. » Donc, Faut faire quelque chose pendant que la machine s'arrête. Oui, c'est ça. Donc, il faut en profiter pour... Enfin, on a lu beaucoup ça. On a entendu beaucoup de partenaires dire ça, ne pas revenir au business as usual. Profiter de cette pause pour changer de cap. Mais il n'allait pas se faire comme ça par magie non plus. Non. Moi j'ai vu ça passer, hein, le monde d'avant on n'en veut plus. Mais c'est absurde parce qu'il n'y avait rien. Enfin... Oui, c'est absurde, mais le fait de le dire et de le mettre en conscience dans l'espace public, de le dire dans l'espace public, de le souligner dans l'espace public, ça fait qu'il y a une évolution quand même des consciences. Moi, je pense que concrètement, effectivement, on ne fait pas ça, on ne claque pas des doigts et pouf, l'ancien monde devient nouveau et puis et bisounours et tout va bien. Il s'agit d'abord de conscience à la... J'entends, tu as parlé du mot conscience. Oui, en fait, les transitions de société sont des transitions culturelles et les transitions culturelles sont vraiment des transitions qui sont ancrées dans des modes de pensée, dans des façons de penser. Donc petit à petit, proposer une autre façon de penser, proposer en tout cas une ouverture pour bifurquer du mainstream et du mode de pensée dominant et de notre société qui va dans un sens et penser qu'il y a des alternatives qui existent et de « there is no alternative », ça n'existe pas. Ça permet d'ouvrir des boîtes de conscience et de la conscience peut-être amenée à l'action. Ah voilà, de la conscience, parler... Parce que là, on va petit à petit rentrer dans le vif du sujet, tu allais dire. Oui, non, et puis c'est aussi justement quand on parle de « there is no alternative », voilà, le confinement a quand même démontré qu'il pouvait y avoir à un moment donné une décision politique de dire « voilà, on arrête certaines choses ». Et on a effectivement, comme tu le disais, eu des histoires très trash et très violentes et très tristes par rapport à des gens qui ont été touchés par cette pandémie. Mais en même temps, on a pu, quelque part, prendre des décisions impopulaires qu'on n'osait pas prendre. Et donc c'est un peu là-dessus qu'on a voulu aussi un peu surfer en disant, voilà, on peut décider de faire autrement. Et donc il faut en profiter. Et maintenant, comme on voit... Ça, c'est sûr qu'on peut faire autrement, non ? Vous en doutiez avant le confinement ? Moi, j'en doutais pas personnellement, mais je pense qu'une bonne partie des gens disaient, oui, mais ok, oui, à titre personnel, je pense que, mais c'est pas possible de faire autrement. Et donc, aujourd'hui, on a pu, je pense, montrer que, oui, on pouvait reprendre de la souveraineté, j'ai envie de dire, dans la décision politique, de dire, non, on peut décider certaines choses qui sont pas toujours très populaires, etc., mais qui permettent d'ancrer la société dans une société plus durable, plus inclusive, où les rapports aux autres sont plus agréables et où on est moins dans l'agitation perpétuelle. Il y a eu un truc de... Tu t'en vas, Thibaut. Ouais. Juste au moment où on commence à rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Ouais. Je vais transmettre mon savoir de façon verticale aux étudiants de l'université de Namur. Non, mais j'essaye de le faire de façon très... Merci d'être venu, hein, merci. Hein. Dommage que tu ne peux pas rester. Salut. À bientôt. Hein. Merci à vous. Moi, il y a eu un truc vraiment de... Pendant ce confinement, donc, tu demandais si avant, on était tous sensibilisés. Je crois que Marie a bien répondu à la question... Moi, j'ai toujours été sensible, et sensible surtout à ça, c'est-à-dire à la cohérence entre ce que je ressens, et ce que je pense, et ce que je fais. Cette espèce de congruence, c'est un drôle de mot, la congruence, je sais que c'est un mot à la mode dans certains milieux un peu psy, mais... Et donc, pour moi, pendant ce confinement, il y a eu un espèce de... comme un signal très fort de dire, ok, en fait, tu as l'autorisation d'être dans la congruence encore plus loin que ce que tu avais fait. Que ce que tu vivais avant. Et donc d'être dans cette espèce de pousser le curseur un peu plus loin parce qu'en fait, c'est nécessaire. Tu peux, quoi. Il y a vraiment eu une espèce... J'ai reçu une autorisation, c'est bizarre, hein. Alors que c'était terriblement... On n'avait aucune autorisation nulle part. Et moi, j'ai eu l'impression d'avoir l'autorisation de penser profondément ce que je pensais et d'essayer de le faire. Voilà. C'est un drôle de truc, hein, mais... Bon, après, ça amène parfois des bonnes discussions bien houleuses avec les gens autour de soi, hein, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Ah bah oui, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Ben parce que si tu pousses ton curseur et que tu vas là où tu crois, ben parfois les gens avec qui tu passais du temps et avec qui tu t'entendais bien, ben tu te rends compte que si tu pousses le curseur sur ce sujet, sur certains sujets, les gens, ça leur fait peur, ou bien ils sont pas d'accord, ou leur curseur, ils ont pas envie de le pousser de la même façon que toi. Mais donne un exemple concret pour qu'on comprenne. Moi, je veux pas rentrer dans votre vie, hein, si vous en parlez pas, mais comme dans le concret, au moins, on comprend bien. Attends, je réfléchis à un exemple concret. Quoi, le fait de prendre plus position, ça te fait du coup... perdre ou gagner d'autres amis, perdre des amis, gagner d'autres amis. Moi, j'ai entendu avec le confinement, Covid et compagnie, j'ai entendu des gens qui disaient qu'ils avaient perdu des amis. Ils s'en sont fait des nouveaux. Voilà, comme si l'époque qu'on vivait demandait qu'on ne pouvait plus se cacher derrière son masque. Et en même temps, on en met un sur la bouche, mais... C'est sûr que la période qu'on vit, je pense, incite... Enfin, le flou, comment je vais dire ça ? Le flou de l'information dans laquelle on se trouve, les bulles de clivantes des réseaux sociaux, etc., incitent de plus en plus à prendre des positions qui sont de plus en plus extrêmes et de plus en plus radicales. Pour certaines qui sont, en fonction de ce qu'on défend comme paradigme, qui peuvent paraître nécessaires pour changer la société. On est dans un moment où on se sent un peu, j'ai l'impression, ça c'est un avis personnel, mais... On est un peu désemparé parce qu'on voit que tous azimuts, ça ne va pas très bien à la société et qu'on voudrait pouvoir agir. Et chacun, en fait, avec sa paire de lunettes originelles, avec son mode de pensée originel, veut convaincre en fait, les autres que son mode de pensée est le meilleur. Et les réseaux sociaux appuient vraiment sur cette dimension-là. Et du coup, on retrouve des clivages qui sont quand même assez importants. Les partisans de revenir à ce qu'on faisait avant le confinement, que retour à la vie normale, les partisans de il faut rentrer dans une société de décroissance ou de sobriété, les partisans du vaccin, les partisans du non-vaccin, enfin donc il y a toute une série de thématiques qui sont vraiment très tranchantes aujourd'hui dans la société. Et moi, ce que ça, là où ça me parle en tout cas, c'est comment est-ce qu'on fait, et c'est aussi un des buts des grandes enjambées, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être d'accord mais maintenir le lien. Ne pas être d'accord mais se nourrir mutuellement de nos désaccords et s'enrichir peut-être de cette différence-là. comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre ses amis parce qu'on n'est pas d'accord sur l'un ou l'autre chose. Et sentir du coup ce sur quoi on est quand même d'accord malgré les formes de vie qui peuvent être complètement différentes pour les uns et les autres. Si pour certains c'est ultra important de faire un voyage absolument chaque année ou d'avoir une maison de campagne par exemple, et si pour quelqu'un d'autre ce n'est pas ça, au contraire il veut plus parce qu'il se dit mais ça n'a plus aucun sens, moi je veux mettre mon énergie dans du local, dans si j'ai de l'argent je veux l'injecter dans un projet de proximité, ben pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre bien ? Effectivement, et tu as raison Marie, ça fait partie des choses au cœur de notre projet des Grands Enjambées. Alors c'est un côté très idéaliste et en même temps, je crois que c'est vraiment très fort en nous, c'est-à-dire, ouais, retrouvons-nous en fait. Qu'est-ce qui nous lie, quoi ? Qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres, au-delà de toutes les différences ? Parce qu'on a des tas de choses en commun. Et les communs, hein, c'est un des mots qu'on utilise aussi quand même beaucoup aujourd'hui dans des tas de mouvements et des tas de réflexions, qu'elle soit écologique ou autre, ou sociale ou politique, mais voilà, la réflexion sur qu'est-ce qu'on a en commun et comment est-ce qu'on peut gérer ces ressources communes, enfin, ces ressources qui sont liées à tout le monde. Voilà, il y a des tas de choses, il y a des tas de choses qui sont en train de se mettre en route par rapport à ça, de chercher comment la gérer de manière plus horizontale, d'être moins dans la verticalité, pour se réapproprier aussi le fait de pouvoir avoir une action sur ce qui se passe autour de soi. Et les grandes enjambées, c'est ça aussi, c'est l'idée de recréer des espaces-temps, et en fait j'ai envie d'insister sur temps. C'est-à-dire se donner le temps en fait d'ouvrir le débat. On a sous-titré les grandes enjambées des rando-débats pour changer de cap. Se donner le temps de ne pas être d'accord, se donner le temps de pouvoir rechercher, creuser sa pensée, ne pas rester sur ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, mais de pouvoir développer soi-même sa propre pensée en échangeant avec les autres et en peut-être en changeant d'avis aussi, ou peut-être pas, et c'est très bien comme ça. Se donner le temps de la complexité en fait, de la société, de pouvoir intégrer toutes les parties de la société, se donner le temps de trouver ce qu'on a en commun et de trouver ce qu'on a en divergence et comment, comme j'ai dit tout à l'heure, nos divergences peuvent nous nourrir. Et puis, c'est pour ça qu'on fait des grandes enjambées en général sur une journée, on peut les faire aussi sur une demi-journée, mais l'idéal c'est quand même une journée pour passer toute la journée ensemble. Et pour, à la fin de la journée, se dire, ok, ben alors, on a réfléchi, maintenant concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi mon prochain pas dans ma vie concrète par rapport à tout ce qu'on a dit ? Mais quoi, ça veut dire que c'est chacun individuellement, du coup, alors, travaille sur lui-même, quoi. C'est pas, il n'y a pas quelque chose... Oui, il y a quelque chose qui se passe collectivement, mais après, il n'y a pas d'ambition de se dire, allez, action, il faut se bouger tous ensemble parce que c'est plus fort... qu'on est, comment on dit, l'union fait la force. Vous n'êtes pas là-dedans. On est dans plutôt l'échange de pensées et la construction d'une intelligence collective. Donc on est quand même un tout petit peu là-dedans. On fait une synthèse globale à la fin de la journée de tout ce qui s'est dit. On essaie à chaque fois de rassembler en fait les différentes pensées en résumé à la fin de différentes étapes. Mais les petits pas jusqu'à présent nous appartiennent. Après, ce qu'on rêverait, il faudra peut-être plusieurs enjambées, c'est de créer une communauté autour de ce projet, c'est-à-dire une communauté de gens qui ont vécu quelque chose et puis qui tiennent au courant les autres. Et puis en fonction des communautés, l'idée c'est de faire des grandes enjambées aussi un peu partout en Belgique, et parce qu'on en Belgique, en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre et peut-être en France, pourquoi pas, et de faire en sorte que des personnes qui sont rentrées en contact ensemble, qui font partie du même écosystème, puissent se retrouver et créer des choses ensemble. Ça, ce serait quelque chose de magnifique. Mais pour l'instant, on le suggère si on voit qu'il y a quelque chose comme ça. Mais oui, puis j'imagine que ça se fait tout seul aussi, ça. Il n'y a pas besoin de... Mais dans votre intention, l'intention, elle est plutôt de... C'est comme si je comprends bien, c'est vous aider un peu à réveiller la conscience qui fait qu'il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on bouge, qu'on regarde le monde autrement, que quelque chose de cet ordre-là, quoi. C'est ça ? Oui, et aussi que le fait de rencontrer d'autres et d'entendre ou de voir ce que les autres font dans leur quotidien, que ce soit dans leur quotidien privé ou dans leur quotidien professionnel, de se dire, mais tiens, en fait, moi aussi, ça sais faire. Finalement, il y a des tas de petits gestes tout simples qu'on peut mettre en place sans devoir faire la révolution totale et tout changer, tout abattre et tout reconstruire. Et du coup, de remettre du sens aux endroits où il y en avait moins, ou de retrouver un élan pour avancer et pour changer des choses. Et quoi, vous croyez, parce que c'est une question un peu centrale aussi, ou tout compte fait, comment vous croyez que le changement va arriver ? Un petit coup de conscience ? Est-ce que on va regarder ça comme ça, le pouvoir, le gouvernement, ceux qui décident quand même. Après, peut-être vous ne voyez pas le monde comme je suis occupée à le décrire, mais pour moi, il y a quand même un haut qui décide, quoi. Je veux dire, on peut danser sur sa tête. De toute façon, on l'a bien vu, hein, confinement, c'est pas ni moi, ni toi, ni eux, enfin, ni nous ici, enfin, qui avons décidé ça. Il y a quand même il y a des enjeux. Est-ce que, comment vous voyez ce changement ? Un petit coup de, un grand coup de conscience, comment Moi, je le vois dans deux mouvements, mais en fait, ces deux mouvements-là sont multiples. Je pense qu'il y a effectivement le socle qui est toi, moi, nous, ensemble, comment chacun individuellement on avance en conscience dans une autre façon de voir le monde, une autre façon de faire société ensemble, dans les actions qu'on mène, dans les alternatives qu'on monte, dans la façon de rassembler autour de ces alternatives, dans la connexion de ces différentes alternatives. Donc il y a un maillage sur le territoire qui se fait, on le voit. On a beaucoup parlé du film Demain comme déclencheur en fait d'une envie d'agir aussi il y a quelques années, et depuis en fait ça existait déjà avant, mais depuis ce film il y a eu une espèce de boost des initiatives citoyennes qui sont pas forcément des initiatives militantes au départ, mais qui sont simplement des citoyens qui ont envie de changer les choses et qui s'y sont mis chacun de leur côté. Et donc, chacun de leur côté, mais qui après ont commencé à s'interconnecter. Et puis, on a un réseau international de la transition qui existe. Et puis, en fait, ce réseau-là commence à avoir un poids. Et donc, il commence à avoir une évolution aussi, comme je disais tout à l'heure, une évolution, une prise de conscience de la nécessité et de notre pouvoir d'agir par rapport à ça. Donc ça, c'est un mouvement qui est plutôt de réseautage, d'archipelisation, j'ai envie de dire, des différentes initiatives qui existent, qui naissent et qui existent. À soutenir, à maintenir, à développer, à connecter, à valoriser en termes de bouillonnement créatif de la part de la population. Et puis effectivement, on est quand même dans une société qui fonctionne sur des structures qui sont là depuis très longtemps et cette démocratie représentative donne le pouvoir du peuple dans les mains d'un représentant ou de plusieurs représentants, et ces personnes-là doivent aussi faire des grandes enjambées, doivent aussi faire des grands pas pour pouvoir faire avancer la société. Donc en fait, pour moi, c'est ces deux dynamiques-là en fait qui doivent se retrouver. Et quoi, ça veut dire que tu crois encore dans le fait d'aller voter, grâce au vote, les choses vont changer, quoi? Je pense surtout, alors pour moi le vote est toujours essentiel, je ne dirais pas que j'ai perdu foi en la démocratie représentative, mais je pense qu'elle a besoin d'être sacrément secouée et repositionnée sur des valeurs. Mais comment ? Et donc là, en fait, pour moi, il y a non seulement cette montée de croissance de l'opinion publique, donc cette montée de conscience, pardon, pas de croissance, de l'opinion publique. Excellent ! C'est une montée de croissance. La croissance de l'opinion publique, la croissance de conscience de l'opinion publique, enfin je vais y arriver. Bref, il y a cette montée en conscience de l'opinion publique qui à un moment donné a un impact quand même sur les politiques. Moi, je travaille beaucoup avec le monde politique, et donc je vois quand même que comme on est dans une société en plus de l'hypercommunication, du retour immédiat avec les réseaux sociaux, il y a quand même une volonté de se justifier par rapport à ça. Oui, mais ça reste ça reste de la justification pour le moment. On n'a pas l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Juste déjà avec le Covid qui est arrivé, le confinement, etc. etc. Le monde d'après, comme on le voyait sur le réseau, ça y est. Je dis le monde d'après. Oui. Le monde d'avant, on ne veut plus. Mais on est dedans, on y retourne les deux pieds joints, quoi. Oui. Ben comme on a dit tout à l'heure, je ne pense pas que ça se fait sur 2 ans non plus. Donc il y a une évolution. Je pense qu'il va y avoir une évolution. Je crois. Je mets ma main sur le bois. Qui est signe de chance, oui, c'est ça? C'est plutôt signe de, comment on dit, je touche du bois pour que ça se réalise, c'est ça, c'est une superstition. Donc moi je suis un peu ennuyante à cet endroit-là, parce que justement, il ne suffirait pas, vous voyez. Moi, je trouve que votre initiative, elle est géniale. Voilà, les gens se mettent ensemble, voilà, tout ce que vous avez raconté. Après, oui, mais moi, je titille à cet endroit-là, justement, parce qu'il suffirait, OK, on est en conscience, mais tout le monde n'aura jamais la même conscience au même moment. Et puis, on est là entre soi, vous êtes entre vous, enfin... Donc... Il y a une, je pense que donc ce que je disais, une montée en conscience de l'opinion publique qui va pousser, qui pousse déjà quelque part par là. Il y a tous les mouvements militants qui existent et qui font un boulot de dingue, qui rassemblent, qui font de la désobéissance civile, ou bien qui manifestent, ou qui font des actions particulières qui font aussi bouger les choses. Et puis, alors moi, je suis vraiment issue de ça. Il y a un travail de fourmi, d'éducation populaire, de présence dans l'enseignement, de médiation culturelle. Donc vraiment quelque chose de terrain, pour faire vivre toute une série d'actions, de petits pas, de petits pas pour faire vivre en fait des expériences collectives positives à ces différents types de publics. Qui ne sont pas forcément touchés soit par les médias, ou soit par qui ne vont pas faire tout d'un coup partie d'initiatives de transition comme ça, parce qu'ils sortent de chez eux, qu'ils se disent, ah tiens, j'irais bien planter des fleurs dans mon parterre devant, des légumes à partager dans mon parterre devant, quoi. Donc je pense qu'il y a, pour embarquer toute la société là-dedans, et ça va pas prendre 2 ans, ça va pas prendre 10 ans. Combien de temps alors, dis-nous? Ça va prendre longtemps, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai pas mes boules. On est un peu en compte à rebours. Moi, je crois que la chose qui va apporter le plus de changement, c'est la prochaine fois que ça va être la catastrophe. Sincèrement. Donc, alors, ça peut paraître complètement débile, du coup, tu me dis, mais pourquoi est-ce que tu fais une initiative citoyenne comme ça? Mais moi, je suis sûre que la chose qui va vraiment faire bouger les choses, c'est quand ce sera la cata. Oui, mais un énorme crash avec des morts, cata, c'était oui. Le confinement, c'était pas la cata. Pas pour tout le monde. C'était certaines personnes, c'était vraiment la cata. Hein. Bien sûr. C'était une sorte de cata, bien sûr. Moi, il y a eu beaucoup de suicides dont j'ai eu vent. Pas des gens que je connaissais spécialement super directement, mais quelques-uns. Enfin, en fait, assez, significativement assez, que pour se dire qu'on sent que c'est tendu, qu'il y a quelque chose qui va vers un vrai déséquilibre. Le déséquilibre est de plus en plus marqué. Et donc... moi, je crois qu'il va y avoir des autres chocs qui vont arriver, des chocs économiques. Quand je dis la cata, c'est plutôt ça, c'est le choc. Ça peut être un choc climatique. Bah, je veux dire, les inondations en ont été un bon aussi cet été. Je veux dire, les incendies dans les différents pays du monde, ça secoue tout le monde. Et je crois que tant qu'on ne sera pas dans un vrai choc, ça ne va pas s'accélérer, ce travail de fourmi. Mais je crois que le travail de fourmi, il est ultra nécessaire pour... mettre en route les choses, préparer, rêver, se dire qu'on va accueillir en fait cet état nouveau d'équilibre qui va arriver à un moment donné. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais je crois qu'en fait, voilà, il y a tout à préparer et à espérer qu'on ait le plus possible à être prêt à accueillir et à être dans une autre manière d'être les uns par rapport aux autres aussi. Tu parlais de lien tout à l'heure, et pour moi c'est essentiel, c'est quel lien on a avec les autres, comment est-ce qu'on peut être en solidarité, comment est-ce qu'on peut être en non-polarisation, comment est-ce qu'on peut être en non-opposition perpétuelle. Ça c'est sûr et certain, ça, on est vraiment dans un monde où, et le réseau social fait en sorte que c'est visible, waouh, qu'est-ce qu'on est tous. Mais au fond, vous allez sur le terrain, vous rencontrez vraiment les gens, on n'est pas si éloignés les uns des autres, tout compte fait, vous ne croyez pas? Oui, c'est sûr. C'est sûr, en fait, on a toujours... Enfin, le réseau social, c'est un truc à la minute. Je parlais du temps tout à l'heure, mais c'est ça, en fait. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue et tu vas lui dire, moi, je suis contre le vaccin. Ben peut-être que en fait la personne va dire, ah quoi, tu es contre le vaccin, mais t'es vraiment irresponsable, machin, tout ça. Par contre, si tu t'assieds avec lui, tu bois un café et puis on échange nos points de vue, on prend le temps simplement d'être humain ensemble, quoi. Pas dans la productivité, pas dans la course, pas dans je te jette ça à la figure et puis je suis derrière mon écran et puis voilà. Donc c'est le contact, c'est pouvoir se toucher, pouvoir se regarder dans les yeux, pouvoir prendre le temps de s'asseoir ensemble, de manger ensemble, parce que c'est important, le ventre, de se sentir et puis de voir si on est d'accord ou pas d'accord, simplement, c'est ça quoi. On est à 45 minutes, allez, il reste 5 minutes. Parce que là on est reparti, oui, avec le lien avec les gens, on n'est pas si différents au fond, et puis même si on est différents, ça ne nous empêche pas de nous rencontrer, c'est ça qui est dingue. Mais qu'est-ce qui ferait alors qu'on soit... Ouais, moi j'ai entendu quand même des gens, et c'est pas la première fois, qui disent... Moi, je me suis séparée d'amis parce qu'on pouvait plus, on n'était plus d'accord. Je m'en suis fait des nouveaux. Je me disais, mais c'est quoi être ami, quoi, du coup, alors, tu vois, ça pose la question. Est-ce qu'on n'est pas aussi tous idéologisés, comme ça, par une idée fixe, complètement absurde, qui n'a pas de sens? Enfin, voilà, on a envie de dire, ouvrons les fenêtres un peu, respirons, et revenons un peu à la dernière question là, que je posais. Donc, pour changer la situation... Vous, de votre point de vue, moi j'ai pas la vérité. Hein. C'est, elles ont dit elles non plus. Hein. C'est que bon, il faut attendre, la conscience va se réveiller, elle va devenir de plus en plus grande, et c'est bon, on va pouvoir changer de monde. Il y a pas, vous croyez pas qu'il va y avoir un peu de la bagarre, des conflits, des choses un peu violentes? C'est les autres alors qui vont s'occuper de ça, mais il y a pas de problème. Hein. Mais je veux dire, vous n'en parlez pas dans votre Dans les constructions, donc dans la première journée qu'on a fait avec les grandes enjambées, notre thématique c'était c'est quoi la transition, qu'est-ce que ça représente pour nous, en fait c'est quoi ce mot dont on entend tellement parler et voilà, qu'est-ce que c'est en fait, concrètement. Et on a essayé de tout se projeter dans le futur, de voir les étapes qu'il y avait à mettre en place pour arriver au futur auquel on aspire, d'essayer d'être le plus concret possible. Mais on s'est rendu compte, après avoir analysé avec du recul, après la première journée, qui était super, on était hyper heureux d'avoir fait ça. On était 28, donc c'était quand même un bon gros groupe. Et on s'est dit, tiens, il manque un truc. Si on le regarde d'un point de vue artistique ou théâtral, il manquait quelque chose à la dramaturgie pour qu'il y ait un réel récit. Il manquait un obstacle. Un truc qui fait qu'on se prend un mur, collectivement, ou individuellement, peu importe, et qui fait que on doit aller chercher des ressources plus loin pour essayer de passer au-delà de cet obstacle. Et donc, dans la construction des prochaines grandes enjambées, des suivantes, on a réfléchi à ça, pour mettre les gens en face de ces épreuves qu'on sait qu'on va avoir, en fait, qu'on sait qu'on a tout le temps. C'est-à-dire, comment on fait quand ça ne va pas tout seul? Parce qu'en fait, ça ne va pas tout seul. et comment est-ce qu'on peut aller rechercher cette confiance en soi, cet art de la communication, cette créativité, pour déjouer quelque chose qui nous met à plat ou qui nous met à mal, quoi. Mm. Voilà. Mais on n'a pas encore pu l'expérimenter, cette forme-là de grande enjambée. Mais... Mm. Ben, c'est Pablo Servigne et Gauthier Chapelle qui disaient qu'en temps de crise, quand vraiment c'est la crise, la loi du vivant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément la loi de la jungle, c'est pas forcément la concurrence et la compétition qui gagne, mais c'est vraiment la coopération entre les espèces vivantes qui assure la survie finalement de l'espèce et de passer au-dessus. Il y a aussi ça, il y a aussi l'entraide, quoi. C'est pas que la loi de la jungle. C'est ça. Et donc du coup, devant cet obstacle, en fait, il y a aussi cette possibilité qu'on soit créatif, qu'on soit mobilisé parce qu'il y a l'obstacle, parce qu'il y a les inondations, le pays flamand wallon, etc., débarque à Liège, à Namur pour aider, parce que ça nous touche de manière globale, on se met ensemble pour résoudre en fait ce problème et devenir créatif. Donc moi je pense aussi que ces obstacles ils vont arriver, on n'a pas besoin de se les créer maintenant, ils sont là déjà. Et donc à un moment donné, comment est-ce qu'on peut rassembler autour de ça, réfléchir et agir ensemble de manière collaborative? Et là je reviens sur le lien, comment est-ce qu'on peut préparer en fait la confiance qu'on peut avoir en soi et en les autres. Comment est-ce qu'on peut, dans notre petite enjambée, dans notre petite grande enjambée, créer ces espaces de sécurité où on peut vraiment être soi et vraiment co-construire avec d'autres en toute confiance pour pouvoir potentiellement agir ensemble au moment, le moment venu, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est comme, c'est Alain Damasio, un auteur qu'on aime bien, Marie et moi, toutes les deux. Il disait dans une conférence qu'il y a des scénarios qui, comme ils te mettent devant des situations inconnues, s'ils te proposent des solutions, le fait de le vivre avec les, en regardant le film, par exemple, ou en lisant le livre, en fait, c'est comme si tu les vivais une première fois et qu'au moment même, tu vas pouvoir te retrouver finalement avec des ressources où tu te dis, tiens, bah, je vais essayer ça, en fait. Ça avait marché dans le film. Je vais le faire en vrai, quoi. Et d'une certaine manière, dans notre réflexion, je te dis, on, ça n'a pas encore été concrétisé, mais on est en route vers ça. C'est de trouver comment on peut effectivement faire vivre un obstacle dans le cours de cette journée de grande enjambée pour qu'après, on puisse réutiliser ces outils et qu'ils soient moins loin dans notre vécu, dans nos cellules, dans notre mémoire. Voilà. Oui, parce que j'ai envie de reposer, elle est ennuyante, hein, cette fille. Parce que j'entends bien ce que vous venez de dire, mais c'est aussi le changement, on a envie, on est prêt. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Et moi, c'était plutôt cette confrontation-là, parce qu'il suffirait, quoi, que dans votre vision, que le nombre soit de plus en plus grand, d'être en conscience. C'est ça, c'est la force du nombre en conscience, en violence, qui va faire que les gens qui ne veulent pas lâcher le morceau, parce qu'on est là dedans aujourd'hui, hein, je veux dire, on voit bien qu'il y a, ça bouge pas, quoi, ça, ou ça fait semblant, ou... Je ne sais plus qui disait, mais pour changer de système, il faut le rendre obsolète. Et donc, en fait, plus on sera nombreux, effectivement, moi, je crois en la force du nombre, plus on sera nombreux à avoir changé déjà, plus en fait ce sont ceux qui ne veulent pas changer qui paraîtront minoritaires et qui seront en fait la queue de la comète, j'ai envie de dire. Donc oui, je crois vraiment que si on est nombreux, de plus en plus nombreux à changer de façon de voir le monde, changer de paradigme, ça forcera ceux qui ne veulent pas changer à changer. Voilà. En fait, la norme, peut-être que ce sera une nouvelle norme à voir ce que ça donnera à ce moment-là, hein, quel regard critique porter dessus. Mais la norme aura changé de cap, déjà. Tu veux que je... C'est marrant parce que dans l'histoire, il y a plein de conflits, il y a plein de combats, il y a plein de... pour changer la société. Ça s'est pas fait comme ça en... Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, moi, on ne connaît pas le futur. Hein. C'est peut-être, pourquoi pas, demain, les gens vont être en conscience, en grand nombre, et ça va faire chavirer le pouvoir. Attention, le pouvoir! C'est rigolo comme... moi, j'en sais rien. Hein. Je ne connais pas non plus... mais... Je ne connais pas suffisamment l'histoire, mais je suis sûre que... on peut aussi trouver des transformations qui ne se sont pas faites, certes, dans la totale douceur et la non-violence, etc., mais qui n'ont pas nécessité nécessairement une révolution pour changer radicalement de cap. C'est une question de temps, de nouveau aussi, quoi, je pense. Bon, on n'a plus forcément le temps face aux enjeux climatiques et de perte de la biodiversité. Mais bon, en tout cas, moi, c'est actuellement, j'ai envie de dire, à l'instant T, la violence n'est pas trop mon cheval de bataille. Oui, mais tout le monde dit ça. Hein. Tout le monde, on est tous conditionnés à dire la violence, c'est pas bien. On le sait. Et puis en même temps, je ne sais pas vers quoi, dans notre discours, tu vois, à un moment donné, moi, ben, évidemment qu'on n'est pas pour la violence. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a une différence entre violence et une certaine radicalité. C'est-à-dire que si nos idées peuvent être plus radicales que ce qu'elles ne le sont aujourd'hui, et je crois qu'il y a des gens de plus en plus qui se disent « Ok, en fait, je peux croire de manière plus radicale à ce que j'estime être devoir faire, quoi. » Il y en a qui décident de plus prendre l'avion, enfin, je dis, ça c'est des exemples à la con, mais c'est une certaine, non, mais c'est une certaine radicalité, c'est-à-dire par rapport au monde d'aujourd'hui, tu te coupes de certaines choses en disant « Ok, donc ça c'était vraiment pour prendre un exemple du tout début de... » Ouais, mais là on rentre dans une discussion, mais est-ce que c'est normal de prendre un avion? Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais tu vois, on pourrait aussi rentrer là-dedans, parce que je me coupe du monde en ne prenant pas l'avion. C'est un vaste... tu proposes une réflexion là-dessus, tu comprends. Il y a moyen de parler, pendant 15 jours. Ouais, hein, du monde, si je ne suis pas vaccinée. Oui, c'est ça aussi, voilà. Si je ne suis pas vaccinée. C'est la même chose, c'est le même exemple, en fait. Ouais. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que... je crois qu'il y a des idées qui peuvent paraître encore radicales aujourd'hui, ou qui paraissaient radicales il y a 10 ans, et qui aujourd'hui ne le sont plus. Elles sont en train de devenir quelque chose d'acceptable, voire même... comme disait Marie, de quelque chose qui devient en fait la solution majoritairement admise. Tu vois? Un exemple. Alors. C'est obligé parce que sinon ça fait comme un concept on ne se raccroche à rien. Tu vois? Concept. Attends, je réfléchis parce que comme on part dans tous les sens. Non, ça tient la route, tu verras en réécoutant. C'est notre esprit qui réfléchit, on est là, bon, vert, rouge, mais ça tient la route. Hein, C'est absurde. Le premier exemple qui me vient, c'est l'écriture inclusive. Alors, c'est aussi un vaste débat, il y aurait moyen d'en discuter pendant des plombes, mais aujourd'hui, il y a moyen d'amener sur la table, sérieusement, dans des académies, et pour le fait de réfléchir à la féminité ou à la masculinité des noms. Franchement, il y a 15 ans, tu oublies, ce truc n'était absolument pas admis. Par rapport au genre, même chose. Il y a des tas de choses qui sont en train d'arriver. Le mariage homosexuel, ça a mis un temps infini à arriver dans la légalité, mais donc c'est en train d'arriver. Donc, et par rapport au vivant, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train d'essayer de faire basculer la légalité pour donner un statut de sujet d'être vivant à un fleuve, un arbre, aux forêts, en disant ce sont des sujets, ce ne sont pas des objets, ce n'est pas un décor, ils ont leurs droits, et donc la légalité doit changer puisqu'il y a un dialogue qui se met en place. Voilà, ça c'était un exemple assez concret et tout récent. Voilà. Mais donc oui, donc il y a des tas de choses qui sont. Bravo, t'as trouvé, ça. C'est bien. Ouais, non mais parce que prendre l'avion, bon. Non mais ouais, mais vois, ça peut être très polémique aussi dans ce genre de truc. Mais donc voilà, il reste, on doit couper le mot de la fin. Vous avez peut-être pas envie de dire un mot de la fin, mais on est obligé de se dire au revoir. Alors, salut. Ben oui. Salut. La prochaine grande enjambée. Ben oui, c'est ça. Allez, les gens qui ont écouté, allez voir qu'est-ce que c'est que ce bazar, les grandes enjambées. Ça donne envie quoi, d'aller voir, de vous rencontrer. Voilà. Merci. Ben oui, à bientôt. On a un tout petit Padlet et on a surtout une page Facebook. À mon avis, c'est comme ça, c'est le plus facile de nous retrouver. D'aller sur la page Facebook, et puis du coup, vous avez le petit lien pour une page, une interface voilà, numérique. C'est mieux qu'une Padlet, c'est ça que voilà, t'as dit ? Un Padlet, ça s'appelle comme ça. Mais donc, ouais, t'es vachement branché. Hein. Non. Je suis pas du tout branchée. Alors là, bref, et donc comme ça, vous allez avoir les infos, et puis vous saurez quand c'est la prochaine grande enjambée. Aujourd'hui, il n'y a pas de date prévue encore. Elles doivent être décidées bientôt, mais voilà. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et à Thibaut qui est parti et à Sophie que je connais pas. Hein, voilà, ciao.